إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Serviteurs d'Allah, comme vous le savez, nul parmi nous n'est à l'abri de l'erreur et des manquements. Et tous les enfants d'Adam font des péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les meilleurs de ceux qui se trompent sont ceux qui se repentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encouragés dans son livre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses discours, à l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'au repentir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, ainsi obtiendrez-vous le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans son noble livre, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ainsi votre Seigneur effacera vos fautes et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il aime ceux qui se repentent à lui. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Agharr ibn Yasar al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon, car certes, je me repens à lui 100 fois par jour. Et d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, j'ai écouté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois. Ceci nous incite donc à nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, à implorer son pardon. Car certes, si telle était la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le rang qu'il avait atteint en termes de soumission à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et en termes d'adoration voué à son Seigneur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, alors que dire de nous? Que dire de nous qui sommes faibles dans nos adorations? Que dire de nous qui sommes faibles dans notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? Et que dire de nous qui commettons des péchés et des fautes matin et soir et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner? Le repentir donc, at-tawba, cela consiste à revenir du péché à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la réalité même de la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te soumettes à lui, que tu t'asservisses à lui par amour et par vénération. Ainsi, si tu vois que tu sors de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ton repentir est de revenir à lui par humilité, par peur et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon subhanahu wa ta'ala. Et le repentir, il est obligatoire de manière immédiate après le péché. Et il n'est pas permis de le retarder. Il n'est pas permis de le repousser, comme le font certaines personnes qui disent « J'arrêterai tel péché la semaine prochaine » ou « Lorsque viendra le mois de Ramadan, j'arrêterai tel péché » ou autre restriction. Le repentir, il n'est pas permis de le repousser. Mais tu dois t'empresser de te repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le repentir, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ceux de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de s'empresser de les accomplir de manière immédiate. Et ce car tu ne sais pas ce qui va t'arriver si tu repousses le repentir. Il se peut que la mort te surprenne et que tu n'aies pas le temps de te repentir. C'est pour cela que lorsque la personne se rend compte qu'elle a commis un péché, alors elle doit s'empresser de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon. De plus, Le fait de persister dans le péché et la désobéissance, ceci assèche les cœurs et les fait durcir. Et cela t'écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça affaiblit ta foi. Car comme vous le savez, la foi, elle augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par la désobéissance. Donc celui qui persiste dans un péché, matin et soir, il est plongé dans son péché. Il n'y a pas de doute que sa foi, elle diminue. De jour en jour, elle s'affaiblit. Et on demande à Allah de nous préserver. De la même manière, le fait de persister dans le péché, cela te conduit à t'habituer à ce péché et à t'y accoutumer. Et lorsque l'âme, elle s'habitue à une chose, il est difficile de la délaisser. C'est pour cela que si tu persistes dans un péché, alors il sera difficile pour toi de te délivrer de ce péché après cela. De plus, le diable, il t'ouvrira alors la porte d'autres péchés plus grands encore, et ainsi de suite. Comme on a dit dans une assise précédente, le diable, il y va pas à pas. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de suivre les pas du diable. Il ne va pas te mener à la mécréance directement, mais il vient à toi pas à pas, péché par péché. C'est pour cela que certains savants ont dit que les péchés sont la voie menant à la mécréance. Et on demande à Allah de nous préserver. C'est-à-dire que péché par péché, étape par étape, pas à pas, le diable veut mener la personne au délaissement de sa religion dans sa totalité. Et on demande à Allah de nous accorder le salut et de nous préserver. Il est donc obligatoire pour le croyant, lorsqu'il commet un péché, de s'empresser de se repentir, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à lui en lui obéissant. Et le repentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est le repentir sincère. Et ce repentir, il a des conditions qui sont au nombre de 5. La première condition, c'est que ton repentir soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te repentes sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par amour à Allah et par vénération d'Allah, espérant sa récompense et par peur de son châtiment. Tu ne recherches rien d'autre que cela par ton repentir. Tu ne recherches pas un but mondain. Tu ne recherches pas les éloges des gens qui vont dire « Regarde celui-là, il s'est mis sur la droiture, il s'est repenti. Avant, il faisait ceci et cela, et maintenant, je le vois toujours à la mosquée. » Ce n'est pas cela que tu recherches par ton repentir. Car celui qui recherche cela, qui veut les éloges des gens, alors son repentir n'est pas accepté. Car en réalité, il ne s'est pas repenti à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il ne s'est repenti que pour un but mondain ou autre chose vile qu'il a recherché à travers son repentir. Donc la première condition, c'est que tu te repentes sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition du repentir, c'est que tu regrettes d'avoir commis ce péché. Tu as des regrets, des remords. Tu es attristé et tu aurais aimé que ce péché n'arrive jamais. Tu aurais aimé ne l'avoir jamais commis. Et ces regrets, ils te poussent à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, en te soumettant à lui, et à réprouver ton âme qui t'a ordonné le mal. Ainsi, le musulman, lorsqu'il se repent, il n'est pas fier des péchés qu'il a commis dans le passé. On écoute parfois certaines personnes, par ignorance, se vanter de certains péchés qu'ils ont commis avant la droiture. Ceux-là, en réalité, ils ne se sont pas repentis. Ils ont simplement cessé le péché. Mais celui qui se repent, il a des remords, il a des regrets. Il aurait aimé n'avoir jamais commis ce péché. Donc comment peut-il en être fier? Donc le musulman, lorsqu'il se repent, il a des regrets et des remords. Il regrette le péché qu'il a commis et il n'en est pas fier. La troisième condition pour que le repentir soit accepté, c'est que tu cesses immédiatement le péché. Celui qui reste dans son péché et prétend s'être repenti, alors ce repentir n'est pas valide, il n'est pas accepté. Ainsi, si ton péché consiste à avoir commis un acte interdit, alors tu dois cesser cet acte immédiatement. Si le péché consiste à avoir délaissé une obligation, alors tu dois t'empresser d'accomplir cette obligation et la rattraper si cela est possible, comme pour la zakat, le hajj, le pèlerinage ou autre. Le repentir donc, tout en persistant dans le péché, il n'est pas valide. Comme une personne par exemple qui dit qu'il s'est repenti d'arriba. Il s'est repenti d'avoir pratiqué l'intérêt usuraire. Mais il continue dans ses transactions d'utiliser l'intérêt usuraire. Se repentir, il n'est pas valide. Au contraire, en disant qu'il s'est repenti, il prend en raillerie le repentir. Et ceci ne fait que l'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, si une personne se repent du délaissement de la prière, ou du fait de faire sortir la prière de son temps, puis qu'il continue à délaisser la prière ou à la faire sortir de son temps, son repentir, il n'est pas valide. Mais pour te repentir, tu dois délaisser totalement le péché, et immédiatement. De la même manière, rentre dans cette condition le fait de restituer les droits aux gens si le péché est lié aux droits des créatures. Par exemple, si une personne a volé les biens d'une autre personne, Alors pour que son repentir soit valide, il doit cesser immédiatement le péché. Et pour cesser ce péché, il doit lui rendre ses biens. Il doit restituer à chaque personne ses droits, sinon son repentir ne peut être accepté. Également, si son péché est lié au fait d'avoir dénigré un musulman ou d'avoir médit sur lui, alors il est obligatoire qu'il lui demande de l'affranchir de cela. Si ce musulman a connaissance de ton dénigrement, comme si tu l'as dénigré publiquement, sur Internet, sur les réseaux sociaux, que tu l'as accusé de mensonge, que tu l'as accusé de ceci ou cela, alors il est obligatoire pour toi, s'il a connaissance de ton dénigrement, que tu l'informes et que tu lui demandes pardon. Et ceci est son droit. Mais s'il n'en a pas connaissance, et que tu ne crains pas qu'il n'en ait connaissance, comme si tu l'as dénigré dans une assise privée ou dans un cercle restreint, alors dans ce cas-là, ton repentir consiste à ce que tu fasses ses éloges et que tu l'évoques en bien dans cette même assise. Et ce car les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc si tu as dénigré ton frère dans un cercle privé, dans un cadre restreint, tu dois faire ses éloges et le mentionner en bien dans ces mêmes assises où tu l'as dénigré, où tu as médit sur lui. Et ainsi tu te seras repenti. Le repentir n'est donc pas valide pour le musulman s'il persiste dans son péché et qu'il reste plongé dans celui-ci. Mais il est impératif qu'il délaisse le péché afin que ce repentir soit accepté. Cependant, je tiens à noter que le repentir d'un péché, il est valide tout en persistant dans d'autres péchés. Car les œuvres sont divisibles. Ainsi, celui par exemple qui a volé, il se repent du vol, mais il commet d'autres péchés à côté. Ce repentir du vol, il est accepté, Inch'Allah, s'il a rempli les conditions que l'on a mentionnées, et les deux autres qui vont venir. Cependant, s'il ne se repent pas de l'ensemble de ses péchés, alors il n'est pas digne du nom du repentant. On ne peut pas dire que c'est un serviteur repentant. Et il ne profitera pas des mérites et des faveurs accordées à ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ses rangs et ses mérites, ils ne sont réservés qu'à ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala de l'ensemble de leurs péchés. La quatrième condition du repentir, c'est que tu aies la ferme intention de ne pas recommettre ce péché à l'avenir. Car c'est l'objectif du repentir, de délaisser ce péché de manière définitive. Et ceci est une preuve de ta véracité. Ainsi, celui qui dit « je me repens », alors qu'il a l'intention de recommettre ce péché, ou qu'il n'est pas sûr de le délaisser, alors celui-ci, son repentir n'est pas valide. Mais c'est un repentir temporaire. Comme certaines personnes, par exemple, qui ne prient que pendant le mois de Ramadan. Et ils ont l'intention, une fois le Ramadan terminé, de retourner dans leur insouciance et de délaisser la prière. Ceux-là ne se sont pas repentis. C'est un repentir temporaire qui ne profite en rien auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À l'exemple de ceux qui délaissent certains péchés durant le mois de Ramadan. Lorsque vient Ramadan, il dit « Je vais arrêter de me rendre dans tel en tel endroit, parmi les endroits interdits. » Mais il a l'intention qu'une fois Ramadan terminé, il y retournera. Celui-ci ne s'est pas repenti, mais il a seulement cessé le péché de manière temporaire. Et ceci n'est pas un repentir accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui se repent à Allah, il a la ferme intention et la ferme volonté de délaisser le péché de manière définitive. Et si par faiblesse, il fait un faux pas, ou que le diable le fait trébucher et qu'il retombe dans ce péché, alors qu'il avait la ferme volonté de ne plus y retourner, alors il se repent à nouveau et ceci est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième condition du repentir, pour qu'il soit accepté, c'est qu'il ait lieu à un moment où le repentir est accepté. C'est-à-dire avant que le repentir ne cesse d'être accepté. Car le repentir a deux moments durant lesquels il n'est plus accepté. Il y a un moment général qui est pour l'ensemble des créatures et un moment particulier qui concerne chaque personne de manière individuelle. Le temps général, c'est le lever du soleil de son couchant. Ainsi, une fois que le soleil se lève de son couchant, le repentir ne sera plus profitable pour personne. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ » Le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, la foi en lui ne profitera pas à une âme qui n'avait pas cru auparavant. Et ce qui est voulu par certains signes de son Seigneur dans ce verset, c'est le lever du soleil de son couchant. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le repentir ne cessera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Et d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se repent avant que le soleil se lève de son couchant, alors Allah accepte son repentir. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Ceci est donc le temps général qui concerne l'ensemble des créatures. Quant au temps particulier, qui concerne chaque personne de manière individuelle, alors c'est au moment de la mort. C'est-à-dire au moment où l'âme sort du corps de la personne. À ce moment-là, le repentir n'est plus profitable et il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Le repentir n'est pas pour ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, puis qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant ». Et d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'agonise pas ». Ainsi, si ces cinq conditions sont réunies, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur et efface son péché. Il efface son péché duquel il se repentit, même si son péché fait partie des plus graves péchés. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Ce verset nous prouve donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne l'ensemble des péchés à celui qui se repent à lui. Et certaines personnes pourraient penser que ce verset s'oppose à un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Mais en réalité, ces versets, ils ne se contredisent pas. En effet, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il pardonne l'ensemble des péchés à ses serviteurs qui se repentent et qu'ils ne doivent pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Quel que soit le péché que tu as commis, si tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala en respectant les cinq conditions que l'on a mentionnées, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés, quels qu'ils soient, même le shirk. Et dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que celui qui meurt sur le shirk, sur le polythéisme, sans s'être repenti de celui-ci, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. À celui qui meurt sur le polythéisme, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans son livre, « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. » Quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore aussitôt le pardon d'Allah, il trouve alors Allah pardonneur et miséricordieux. Ces versets, ils nous incitent donc à nous empresser, à nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et à implorer le pardon pour l'ensemble de nos péchés que nous avons commis. Nous devons donc nous empresser à cela, car nous ne savons pas lorsque la mort viendra et il se peut qu'elle vienne subitement sans que tu t'y attendes. Tu dois donc t'empresser de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son pardon pour l'ensemble des péchés que tu as commis et de ne pas reporter cela à plus tard, car comme nous l'avons dit, tu ne sais pas lorsque la mort viendra. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère à lui et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner l'ensemble de nos péchés. Il est certes pardonneur et miséricordieux. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.